tiens nos traînes dans les bras. Sous terre attend bien planquer là, résister sans s'y frotter, se piquer quand même un peu les bras. Casa! Casa! Elle est chargée! Quelques encablures, mais je sais que tout finira à quelque part de là. Je sais que tout finira. Je sais que tout finira. Casa. Casa. Casa.